professeur il y a très longtemps, au siècle dernier. Mais pour de bon, au siècle dernier. J'étais entre autres professeur à HEC, dans l'école des hautes études commerciales, et je disais à mes jeunes gens, si vous voulez, ce sont des garçons, vous savez, qui ne peuvent pas être chef d'entreprise en général ou chef de cadre politique. Je leur disais, si vous voulez ne pas trop vous tromper, eh bien, ne parlez que de ce que vous connaissez. Ne parlez pas des choses que vous ne connaissez pas. Et c'est ainsi que ça a démarré pour moi. La deuxième expérience que je voulais vous dire, oui, d'abord, ça veut dire que je n'ai pas l'outrecuidance de parler de breton à des bretons. Vraiment, ce serait beaucoup de vanité. Je peux simplement vous parler de mon expérience à moi, dans la mesure où elle peut être transposable, éventuellement d'ailleurs, à des problèmes que vous vous posez. Le deuxième point, c'est que c'est une histoire personnelle. Je venais d'arriver à la Sorbonne, comme je quittais ma Tunisie natale après la guerre, et ça a été ce que j'ai appelé plus tard la déception philosophique. C'est-à-dire, j'étais professeur, très éminent d'ailleurs, dont certains ont laissé une certaine trace, pas beaucoup d'ailleurs, il faut reconnaître, hein. Beaucoup, la plupart ont disparu, mais qui naviguaient dans l'abstraction. C'était très brillant, c'était très intelligent, mais moi je venais d'un pays, donc c'était la Tunisie, j'étais né à Tunis, je venais d'un pays que je venais de quitter, qui sortait à peine de la guerre, où se posaient des tas de problèmes tout à fait concrets, et graves, et urgents. Il y avait déjà l'esquisse de la décolonisation, il y avait la reconstruction du pays, le problème des diverses communautés qui peuplaient ce pays, enfin, il y avait des foules de problèmes. Et j'arrivais donc à la Sorbonne, et avec beaucoup d'admiration, et je tombais dans un milieu où il y avait un cours, l'un de nos professeurs avait fait toute l'année sur le De Natura Rerum de Lucrèce, qui est un excellent bouquin que j'ai relu plus tard. Mais ça n'avait rien à voir avec mes problèmes, la quantité de problèmes que j'amenais avec moi. Un autre travaillait sur l'ego transcendantal chez Kant. J'avoue d'ailleurs que, ne le répétez pas, hein, je n'ai pas encore compris ce que signifie transcendantal. Enfin bon, qu'est-ce que c'est que l'ego transcendantal? Si tout à l'heure l'un de vous pouvait m'expliquer, ce serait bien. Et donc je me suis dit, ce n'est pas possible, je ne vais pas, moi aussi, me mettre à disserter sur l'ego transcendantal ou sur diverses abstractions de la Sorbonne à l'époque. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, là-dessus, je me marie, et nous rentrons en Tunisie, et ma femme, aujourd'hui disparue, mais était professeure au lycée de Tunis, moi j'étais professeur au lycée de garçon, et je me suis dit, il faut partir donc du constat. Il faut partir, si je veux parler de quelque chose, il faut que je vois quelle est la réalité que j'ai sous les yeux. Et effectivement, d'abord, la première chose que j'ai notée, que j'ai vécue, c'est que je rentrais avec moi aussi des idées d'universitaire. Mes collègues, dont beaucoup étaient marxistes ou marxisants, je n'ai rien contre Marx, je crois que c'était un grand bonhomme quand même, il s'est trompé sur certains points, comme je pense que Freud et Grèce, quelles que soient les critiques qu'on adresse actuellement, ce sont des gens de grande envergure, mais enfin, c'était pour eux, il s'agissait de la colonisation, était essentiellement un problème socio-économique. Il y avait des gens qui mangeaient mal, qui étaient mal politiquement mal situés, et qu'il fallait donc résoudre ce problème. Et si on résolvait ce problème, eh bien les choses entreraient dans une espèce de normalité. Or, quand j'arrive là et je commence à avoir des élèves, moi aussi, des collègues, et je m'aperçois que c'était totalement insuffisant, que le réel était beaucoup plus complexe que ça. Je me souviens d'un collègue, j'ai oublié son nom, qui s'appelle Mohamed, j'ai oublié son nom. En parlant avec lui, il me dit que les princes vélicales. Alors j'ai dit, mais enfin, qu'est-ce que vous faites dans l'enseignement secondaire? Alors, vous êtes prince. Et il m'a répondu, parce que bientôt nous aurons des postes et il faut qu'il y ait des employés de poste. Et donc je me prépare à être un employé de poste. Je me suis dit, donc c'est pas, le problème n'est pas seulement un problème socio-économique, c'est un problème beaucoup plus compliqué. Il y a des problèmes de culture, des problèmes de religion, des problèmes d'insertion sociale. Bref, je décide de, donc, dès cette époque-là, que dorénavant, ma méthode de travail, et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, donc je vous ai dit, je ne vous parlerai pas de la Bretagne, très peu, parce qu'encore une fois, je serais beaucoup d'orgueil et de vanité que moi, je vais en Bretagne parler aux Bretons. Mais peut-être qu'une comparaison que je veux dire, peut-être vous serait un peu utile. Donc je décide que dorénavant, je partais d'abord du constat. Voilà, première règle de méthode, le constat. Qu'est-ce que je constate? Chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a une difficulté, chaque fois qu'il y a des inconnus, qu'est-ce que je constate? Bon, je vous dis aussi une chose, vous savez, le temps passe. Ce problème du constat est un problème qui s'est beaucoup diversifié chez moi. Au début, j'entendais par constat uniquement l'expérience vérifiable. C'était l'expérience vérifiable et multipliée et renouvelée. Bon, je dois avouer que depuis, j'ai un peu enrichi ce problème du constat. Je n'ai pas fini d'ailleurs. Je crois que le constat, finalement, je distinguerai volontiers entre le constat expérimental, donc, dont je vous parlais, qui est l'essentiel, je crois, quand même, de cette méthode de travail. D'abord, le constat expérimental, c'est-à-dire le constat que l'on peut expérimenter et renouveler. Il y a aussi l'affaire de la fiction, l'affaire de l'imaginaire. C'est vrai qu'au bout de quelques années, je me suis aperçu qu'il y a en nous une part d'imaginaire importante. C'est tout le problème de la fiction, qui d'ailleurs donne l'extraordinaire développement chez les hommes des arts de la littérature. C'est tout de même assez extraordinaire. Là, on ne va pas s'appesantir beaucoup. Mais c'est assez extraordinaire que les hommes ont, depuis des milliers d'années, inventé, réinventé un deuxième univers. Et quand on voit à la télévision, qui c'est souvent service, l'affaire égyptienne, par exemple, ou l'affaire du Pérou, ou l'affaire de ces pays-là, on s'aperçoit que ça n'a jamais cessé. C'est-à-dire que les hommes, il y a la vie concrète, celle d'un constat dont je vous parlais, et il y a aussi un doublé imaginaire. Pourquoi ils ont fait ça? Ça, on peut en discuter, je vous le dis tout à l'heure, si vous en avez envie, mais c'est en fait parce qu'il y a le problème de la mort, en fait. Le problème de la mort, aucune philosophie, je veux dire, j'ai beau chercher, moi-même, beaucoup de mes collègues, c'est un hiatus, une espèce de hiatus dans nos vies, on ne comprend pas très bien pourquoi c'est comme ça. Juste avant de venir ici, dans quelques semaines, je dois aller en Tunisie et il y a un collègue de Strasbourg qui devait venir parler et il vient de m'envoyer un mot disant que sa femme a brusquement décédé. Il ne comprenait pas ce qui lui est arrivé. Et c'est incompréhensible. Donc, les hommes donc, vont construire, à côté du monde constat dont je vous parle, un monde imaginaire, qui est le monde fictionnel, et dont nous avons à la fois à tenir compte et à la fois à se méfier, parce qu'évidemment, il y a un dévergondage de la fiction. Il y a, tous les écrivains le font, moi aussi, il y a la fameuse fabulation, nous fabulons. Un écrivain est un fabulateur. Mais ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'il fabule parce qu'il a besoin de fabuler, parce qu'il a besoin de construire ce monde, deuxième monde imaginaire. Le troisième thème, à côté du constat expérimental, en quelque sorte, c'est les motifs. Ça aussi, c'est une chose très, très importante que j'ai beaucoup enrichi ces dernières années. C'est vrai que les hommes, les humains, sont pris par un certain nombre d'émotions qui sont des émotions primaires. Parle de théorie psychanalytique, si vous voulez, c'est pas interdit, avec ce qu'il peut y avoir d'inconscient dans ces déclenchements de l'émotif. Donc, par exemple, la peur, l'espoir, le désir, il y a toute une batterie d'éléments qui fait que là aussi, nous devons, me semble-t-il, à la fois tenir compte indéniablement de cet élément émotif, de cette dimension émotive, le désir, l'amour, la tendresse, la formation des couples, nous y reviendrons tout à l'heure si vous voulez. Je considère aujourd'hui que le problème du couple, par exemple, est un problème crucial. C'est un de ces problèmes quasiment insondables, tellement il est riche et complexe. J'ai énormément enrichi ma réflexion et mon expérience, peut-être d'ailleurs, sur ce thème-là. Et vous voyez que la combinaison entre l'imaginaire et l'émotif donne les arts, la littérature. Ça aussi, c'est un fait. C'est pas moi qui invente les choses. Je parle de constat. Je ne veux pas parler de construction idéologique. Si le constat expérimental dont je vous parle est à l'origine des sciences, si les constructions rationnelles sont à l'origine de la philosophie, oui, je n'ai pas d'idée d'un mot de la philosophie, quelle que soit ma déception philosophique, je veux dire qu'au fond, la philosophie reste quand même une tentative de cohérence, de rendre cohérent nos savoirs. C'est toujours une tentative inachevée. Par contre, ce que je dois dire, c'est que je continue à me moquer un peu de mes collègues philosophes, en ce sens que c'est une opinion encore. C'est pas du tout une vérité avérée. La preuve, c'est que les philosophies se contredisent quelquefois. Pourquoi ? Parce que ce sont des opinions. Les opinions, il y a du vrai dans une opinion, il y a du faux dans une opinion, et c'est à nous à faire chaque fois le tri, l'analyse de ce qu'il peut y avoir de constat, ce qu'il peut y avoir de construction, effectivement. Et donc, les motifs, la combinaison, si la combinaison du constat expérimental et du rationnel donne la philosophie et les sciences, la combinaison du rationnel, de l'imaginaire et de l'émotif donne les arts et la littérature. Bon, inutile de vous dire qu'il faut être très prudent et très modeste, c'est-à-dire, bien entendu, dans chacune de ces démarches, il y a de tout. Moi, je fais ces analyses pour classer, pour essayer de proposer une méthode de travail. Mais en même temps, j'ajoute immédiatement que, prenons par exemple le constat numéro un, c'est-à-dire le système expérimentale, ben, nous savons bien que dans les sciences, il y a une part d'invention, une part d'imaginaire. Bon, les savants, même quand ils ont trouvé des formules fabuleuses d'inventaire, de compréhension du réel, ont inventé quelque chose. Ils ont imaginé quelque chose. Donc, il y avait de l'imaginaire. Cet imaginaire doit être passé lui-même au crible de l'expérience et de la vérification, de l'interprétation, mais enfin, il y avait aussi de l'imaginaire. Peut-être que, après tout, il y a aussi dans l'émotion quelque chose qui relève du constat dont nous parlons tout à l'heure. Après tout, la peur n'est pas purement négative. Si on a peur, c'est qu'il y a danger. S'il y a un danger, eh bien, il vaut mieux filer, il vaut mieux s'en aller avant de tomber sous le coup de cette peur. Donc, vous voyez, à la fois, je vous propose un schéma de travail, c'est-à-dire de partir du constat vers l'interprétation, et en même temps, je vous dis, chaque fois, il faut prendre garde à filtrer chacune des étapes par toutes les autres, par le rationnel, par l'imaginaire, par la fiction, par... Vous savez, l'un de mes maîtres que certains d'entre vous connaissent ici parce qu'on a parlé hier, Gurvitch, sociologue connu, affirmait qu'il y avait plus de vérité quelquefois dans la production romanesque d'une époque, quelquefois que dans les essais. Je le pense un peu. Je pense que si on mettait bout à bout, par exemple, tout Balzac, Maupassant, écrivain pour lequel j'ai une très grande admiration, de collègue, d'artiste, enfin, c'est... je crois que l'on comprendrait mieux la bourgeoisie française de l'époque que certains essais qu'on lit ou qu'on ne lit pas, parce que c'est plus difficile, parce que c'est moins attractif. Mais après ça, il faut interpréter. C'est-à-dire que il faut, partons donc du constat. Alors pour la colonisation, vous voyez, je suis parti finalement, honnêtement, c'est de ça que je suis parti. Je suis parti parce que je suis rentré en Tunisie, et alors que les gens commençaient à se battre, qu'il y avait des attentats jusque dans les rues, que les familles étaient divisées, que certains amis rompaient leurs amitiés, par exemple, c'était une situation tout à fait dramatique. Et le parti communiste local, parmi lesquels j'avais beaucoup d'amis, j'ai jamais été communiste, hein, je précise que j'ai jamais été communiste, j'ai rien contre les communistes, seulement c'est passé dans ma vie une chose assez drôle que j'aime bien répéter, parce que je rentre en France donc après la dépendance de la Tunisie, et je suis convoqué par la police française qui me dit que la police tunisienne que j'avais aidé à envoyer mon dossier à la police française, laquelle police française me tenait pour suspect. Elle se dit, mais comment vous avez lancé? C'est la police tunisienne qui nous a transmis ça. En somme, les polices, quelle que soit leur appartenance politique, eh bien, elles sont en cheville l'une après l'autre. Mais vous savez, ça, avec la vie et la longueur de la vie, quand ça dure, on comprend beaucoup de choses. On découvre des choses étonnantes. C'est une amie historienne qui me téléphone un jour et qui me dit, mais tu as un sosie, est-ce que tu as un sosie? Non. Tu as un frère qui t'appelle la même chose que toi? Non, pas du tout. Elle me dit, parce que je suis en train de faire des travaux sur la décolonisation, et il y a deux Albert Memmi, dont l'un est communiste. D'abord, il n'y en a pas deux, et j'ai jamais été communiste. Elle m'a dit, ah, ça, maintenant, il faut te t'arranger à ce que on enlève ce dossier, parce que là, ça va te suivre tout le temps. Et d'ailleurs, ça m'a suivi. C'est-à-dire que quelques années après, quand j'ai voulu me faire naturaliser français, ma femme étant française et les enfants aussi, eh bien, j'ai convoqué le ministère de l'Intérieur, et on m'a dit, monsieur, c'est pas la peine d'insister et de déposer tout le temps des pièces. Vous ne serez jamais français. Bon, ça s'est arrangé après, grâce à l'intervention d'amis communs. Mais enfin, alors, J'ai jamais pu, je vous avoue, j'ai jamais pu rectifier cette histoire. Je la raconte parce qu'elle m'amuse, elle est symptomatique. Vous connaissez cette blague de chef d'administration allemande, c'est une histoire allemande. Ma femme était de Lorraine, donc je connais pas mal ce folklore, décide un jour, il dit maintenant ça suffit, nous avons tellement de dossiers, tellement de pièces, tellement qu'on ne sait plus où les mettre. Alors à partir de 1900, juste avant 1950 ou 60, on va tout détruire. Ça suffit, on va avoir des dossiers à partir de, mettons, 1950. Ah, monsieur le directeur, c'est formidable, dire la bonne femme, c'est merveilleux, quel courage. Vous savez, l'administration allemande est très vétilleuse, on ne fait pas ce genre de choses. Vous êtes le premier à prendre une telle décision, c'est merveilleux. Alors, il dit, allez-y, détruisez, juste avant 1950. Et puis ensuite, il la rappelle et dit, bien entendu, madame, avant de brûler, prenez copie d'abord. Eh bien, il nous faut vérifier, c'est-à-dire vous avez à la fois le constat, la diversité du constat, la richesse de ce constat, et en même temps il faut conceptualiser. Mais vous voyez que chez moi, chez d'autres aussi, hein, j'en fais pas un privilège particulier, la conceptualisation qui est l'expression la plus noble de la philosophie, chez moi, elle vient après. Elle ne vient pas avant. Je ne pars pas de concept. Ben, je m'en sers. J'en ai besoin, bien entendu. Et on ne peut pas travailler sans concept. Bon, les sciences et la philosophie ont besoin de concepts pour travailler. Sinon, on ne peut pas travailler. Sinon, on reste sur le fait brut. Pour avancer, il faut du rationnel. Pour faire du rationnel, il faut conceptualiser, il n'y a pas de doute. Mais la conceptualisation, vous voyez, me semble-t-il, en tout cas à moi, ne peut venir qu'après une série de constats. Eh bien, quelles sont les quelques conceptualisations que j'ai tâché de proposer dans la corbeille commune de, vous savez, notre ambition, c'est d'apporter un petit quelque chose dans la culture commune. L'une des découvertes que j'ai faites d'abord, c'est l'importance que j'ai appelée les duos. Finalement, rien n'est concevable uniquement en soi-même. Tout est en relation avec autre chose. Et le duo, c'est un système de feedback, comme disaient les anglo-saxons, c'est-à-dire que ça renvoie constamment aux deux partenaires ou aux plusieurs partenaires qu'ils composent. Pour comprendre un couple, par exemple, prends l'exemple de homme-femme, puisque je vous dis que j'accorde énormément d'importance à ce couple, on ne peut pas comprendre vraiment ce qu'est une femme, on ne peut pas comprendre vraiment ce qu'est un homme si on ne met pas en relation dans un duo c'est le masculin et le féminin. C'est impensable, c'est tout simplement impensable. C'est pas seulement impensable, mais c'est d'abord concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Des petites choses comme dans les grandes choses. Le duo se retrouve sur le plan individuel, bien sûr, sur le plan des relations inter-individuelles, ce qui donne, vous voyez, à l'horizon, la psychologie. La psychologie est une technique d'investigation de l'individuel et de l'inter-individuel. Et souvent, on me demande souvent, quelle différence y a-t-il entre la sociologie et la psychologie, par exemple. Il me semble que c'est assez simple. La psychologie est l'inventaire de l'individuel, et la sociologie, c'est l'irruption du collectif. Bon. Eh bien, le duo, donc, est à la fois relationnel et il est dynamique aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas de duo, enfin, il n'y a pas, ça existe aussi, mais enfin, je veux dire, dans l'ensemble, les duos, me semble-t-il, sont dynamiques, ils sont changeants. ne s'arrête pas à la vie d'un seul couple ou d'un seul groupe. Elle est, tout à l'heure, si on discute, on prend des exemples encore plus développés, mais je vais d'abord finir ce que je voulais vous dire. La deuxième, c'est que les duos sont relativement conflictuels. Pourquoi ? Ben, finalement, c'est assez simple. C'est parce qu'il n'y a pas de fusion absolue. Il n'y a pas de fusion absolue entre une femme et un homme, quel qu'il soit, même s'ils s'adorent. Il n'y a pas de fusion absolue dans un groupe, ni entre les groupes, ni entre les classes, ni entre les nations, bien sûr. Donc le duo est à la fois relationnel, dynamique et conflictuel. Bon. Le deuxième constat ou découverte, comme vous voulez, c'est donc l'importance des conditions objectives. Là, c'est un énorme problème. Nous vivons, et vous avez vu que ça rebondit avec ces histoires d'identité culturelle actuellement, dont on parle beaucoup en France, et ailleurs, d'ailleurs, également. Et traditionnellement, nous avons tendance, parce que c'est plus facile et parce que c'est plus classique, de penser que nous appartenons à un groupe. Si je ne veux pas entrer dans des considérations polémiques, par exemple, un arabe musulman se définit nécessairement, pour certains musulmans, par la religion musulmane. Si vous n'êtes pas musulman, si vous ne suivez pas la religion musulmane, j'ai beaucoup d'amis musulmans, d'anciens élèves, disent, donc tu n'es pas un arabe. Et si par exemple vous êtes, mettons, copte ou juif, par exemple, dans la société musulmane, eh bien, pratiquement, vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Pour être un vrai arabe, il faut être un vrai musulman. Donc c'est un problème d'appartenance. Ils ne sont pas les seuls. Hein. On parle beaucoup des Arabes actuellement parce qu'ils ont eux-mêmes des convulsions importantes. C'est pas facile d'être un Arabe aujourd'hui, vous savez. Chez les intégristes juifs, c'est la même chose. C'est-à-dire si vous avez certaines revues, par exemple, ne me font jamais de compte rendu parce que je n'existe pas. J'existe peut-être pour d'autres, mais pas pour eux. Pour eux, c'est pas possible. Je ne passe pas mon temps à relire la Bible. Alors, je dis en passant que la Bible est un grand bouquin. Ça n'efface pas le problème. La Bible est un très grand bouquin. Là aussi, il faut le reprendre d'une manière rationnelle et se dire d'ailleurs, pour la Bible, à mon avis, la Bible n'est pas un livre, c'est une anthologie en fait. C'est une anthologie, en passant, de textes choisis dans des milliers de textes. Aujourd'hui, on sait que, vous savez, par exemple, pour les textes grecs, pour lesquels je suis un fervent admirateur, et pour patron. Philosophique plutôt Épictète, et si vous n'avez pas lu encore le manuel d'Épictète, dépêchez-vous d'en acheter un. Ça coûte un livre de poche, ça a coûté 5 euros et c'est très court. C'est vraiment un livre qui ouvre des perspectives de sagesse que les judéo-chrétiens n'ont pas atteint, ou Épictète ou Marc Aurèle par exemple, un peu Sénèque. Vous verrez les progrès formidables que ces gens ont fait faire la sagesse pratique. Et alors, on a donc tendance à penser que si on est musulman, si on est arabe, c'est qu'il faut être musulman, donc on appartient à certains groupes. Et moi, j'ai proposé, au lieu d'appartenance à un groupe, ce qui est faux. Parce que, par exemple, si vous questionnez des juifs, par exemple, si vous faites assez confiance, vous apercevez qu'ils sont souvent athées. Prenez un intellectuel juif, si vous parlez avec eux en sincérité, Ils me disent qu'ils ne sont pas croyants. Est-ce que vous avez lu la Bible ? Oh non, ça m'était arrivé de feuilleter comme ça vaguement. Je ne connais pas. Ah oui, bien sûr, je sais qu'il y a tel et tel livre, mais je ne connais pas. En fait, ce problème d'appartenance, c'est un problème douteux, souvent. Bon, n'exagérons pas. Il existe aussi. Hein. Il y a de l'imaginaire, il y a des motifs, il y a tout ce qu'on veut, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais je crois que ce qui définit les individus, c'est plutôt ce que j'appelle les conditions objectives. C'est la condition objective, les conditions objectives qui nous constituent. C'est-à-dire la manière dont nous nous voyons et la manière dont on se voit, dont on nous voit. La manière dont nous nous traitons et la manière dont les autres nous traitent. Ici, j'ai un débat avec un homme que j'ai admiré, Jean-Paul Sartre, qui a bien voulu me donner une préface pour un bel livre. Et Sartre disait que un juif, c'est quelqu'un qui est regardé comme un juif par les autres. Et à quoi j'ai ajouté, c'est quelqu'un pas seulement qui est regardé par les autres, mais c'est quelqu'un qui est traité comme ça par les autres. De même pour les Arabes, par exemple, puisque c'est le problème du jour, ou celui des Noirs, c'est pas seulement la manière de voir un Noir, par exemple, qui fait un Noir, bien entendu, c'est aussi la manière dont les Noirs, et encore, pour les Noirs, c'est plus facile, parce que vous disiez tristement, l'un de mes collègues, toi, ça se voit pas si tu dis pas qui tu es, mais moi, on peut pas ne pas voir que je suis nègre. Mais c'est une manière de le traiter aussi objectivement. On le traite objectivement. Bon. Les juifs ou les noirs ou les minoritaires ont tous fait de l'expérience, une expérience douloureuse, classique, que je ne vous répète pas. Quand j'étais étudiant, on cherchait du travail et il y a une agence qui propose l'enseignement à l'heure à Paris, et vous téléphonez en disant voilà, je prépare l'agrégation de philosophie à poste machin, et je suis candidat, et vous dites, ah très bien monsieur, vous êtes il vous donne le titre, tout ça, et à la fin il y a une petite hésitation, il vous demande est-ce que vous êtes catholique. Alors non, je suis pas catholique. Ah bon, à ce moment là ils disent on vous écrira. Et ils n'écrivent pas. Donc, c'est pas une manière seulement de voir les gens, c'est une manière de les traiter. Et de même que c'est vrai qu'à Paris, il n'est pas commode de s'appeler Mohamed si vous avez cherché un emploi. Il vaut mieux s'appeler Jean ou Jean-Baptiste ou Pierre ou Paul. Et ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de ces jeunes gens changent de nom. Et moi, je trouve qu'ils ont raison. Enfin, on peut discuter. Donc, c'est les conditions objectives. Et je crois que nous en arrivons finalement à ce que j'ai appelé le triangle de l'identité. Et c'est-à-dire que, imaginez un triangle dans lequel chacun d'entre nous, c'est-à-dire donc la condition objective, chacun d'entre nous est plus ou moins relié à une démographie, même s'il ne le veut pas, je veux dire. Vous voyez ? Même s'il ne le veut pas, c'est vrai que, puisque nous avons le bonheur d'avoir ici ce que j'appelle le triangle de l'identité. Ce qui définit un individu, c'est ça. Alors, il y a une démographie, il y a la référence à un système culturel, et ensuite la référence à une société globale. Finalement, chaque individu se définit, qu'il le veuille ou non, par rapport à ce triangle de l'identité. Qu'il le veuille ou non, c'est-à-dire, vous êtes breton, vous pouvez être tout à fait pas breton. C'est-à-dire, vous voulez pas l'être, mais c'est pas comme vous voulez. Parce que vos cousins, vos parents, vos amis, votre relation, tout ça fait que vous référez malgré tout à un système démographique. Plus ou moins. Mais c'est comme ça. Vous ne pouvez pas dire je ne connais plus personne, je ne vais pas en Bretagne, je ne connais aucun rapport avec les Bretons, etc. Ben, il y a des juifs antisémites, vous savez, ça existe. Bon, il y a. Parce qu'ils veulent rompre complètement avec. Raymond Aron disait qu'il s'était perçu qu'il était juif lorsqu'il y a eu la guerre. En quoi ? C'est un bonhomme important, intelligent, en quoi il mentait effrontément ? Parce qu'il s'appelait Aron et que par conséquent, il a dû rencontrer plus souvent qu'il aurait voulu des réflexions, des livres, enfin, tout ça, c'est pas vrai. Donc la réflexion, la relation démographique est une relation qui s'impose à nous. La deuxième chose, c'est la référence à un système socio-culturel. Ça aussi, c'est, tout ça est relationnel et dynamique. Évidemment, mes amis chrétiens me pardonnent si vous en êtes ici. Je trouve ça agaçant que vous fassiez la Pentecôte et les je ne sais pas, je confonds, c'est quand la Vierge monte au ciel ? L'Assomption. L'Assomption. L'Assomption. Alors, mes amis syndicalistes, je dis, mais enfin, vous êtes syndicalistes, vous êtes athées, vous êtes contre les religions et tout ça, mais pour rien au monde, vous ne renonceriez à l'Assomption. Il faut être raisonnable. Si vous ne croyez pas que la Vierge est montée au ciel, eh bien, ne nous invitez pas de travailler ce jour-là. Oh, ils disent, oui, mais c'est commode, c'est un jour, c'est un avantage acquis, comme ils disent. Il faut garder les avantages acquis. Bon, c'est pas comme on veut, je veux dire. Hein. On appartient à un système socio-culturel, plus ou moins. Mes amis laïcs juifs, fêtent quand même Pâques et font une fête à l'occasion de. Ils font en rigolant un peu, mais ils la font. Donc il y a, nous appartenons à un système triangulaire. Et enfin la société globale. La société globale est pose un problème considérable également. En fait, vous avez beau appartenir à un groupe, même étroitement appartenir à un groupe, au fond, nous ne sommes pas des ballons dirigeables, nous ne sommes pas en l'air. Nous appartenons dans un système également englobant. Je me souviens, la première fois que j'étais invité au Québec, à la suite de ce texte sur le Québec, alors, c'est les Québécois, ils ont l'élégance de dire qu'ils sont Québécois, français et tout ça. Et puis quand j'ai parlé avec eux un peu, je me suis aperçu qu'ils étaient référés aux USA presque plus qu'à la culture française. Vous savez qu'une voiture au Québec, je dis un car, ce n'est pas une voiture, en fait, etc. En fait, ils étaient à une heure de New York et pour un oui, pour un non, ils allaient à New York. Ils n'allaient pas à Paris, qui était à 6 heures de vol. Donc, nous sommes dans une société globale. Nous sommes constamment dans des sociétés globales, historiquement et sociologiquement. Mais j'ajoute tout de suite un concept supplémentaire. Mais vous voyez que chez moi, toujours, le concept est toujours issu d'abord d'une expérience vécue, d'un constat, d'une vérification et d'une interprétation. Mais j'ajoute immédiatement que, quelles que soient les ressemblances qu'il y a entre les situations, eh bien, il y a des spécificités, c'est une notion de spécificité. Chaque fois, vous avez à la fois des ressemblances, mais vous avez aussi des spécificités. Quand les Corses, par exemple, mes amis Corses, j'ai pas mal d'amis d'électeurs Corses, parce que moi je m'appelle Mémie, alors ils croient que je suis Corse. Et alors, moi, par honnêteté, un jour, je reçois l'annuaire des Corses et je vois Albert Mémie, Corse, de vieille ascendance, je ne sais pas quoi. Et j'ai dit, mais écoutez, c'est très aimable à vous, mais je ne suis pas corse, hein, je suis plutôt d'origine kabyle ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas trop de quelle origine nous sommes, mais corse, pas du tout. Ils m'ont dit, qu'est-ce que ça peut vous faire? Ils étaient presque fâchés. Je vais mettre en question ma corsitude. Et donc, je dis aux Corses, aux Québécois, ou pardonnez-moi, aux Bretons, d'une certaine manière, une leçon possible, c'est qu'à la fois, il y a des ressemblances entre les différentes situations de dominance, nous allons venir tout de suite à la notion de dominance, et aussi que chaque fois, il y a des différences importantes. Si vous prenez un problème qui est à la mode actuellement sur les conditions féminines, par exemple, je ne suis pas d'accord avec ma bonne amie Elisabeth Badinter, parce que je pense que elle fait bien de ranimer ce problème, mais je pense qu'il y a des problèmes spécifiques à la féminité, et que ces problèmes spécifiques, il ne faut pas les passer sous silence. Juste un exemple, à mon avis, la féminité, avec le problème de la procréation, n'est pas du tout effacée. On ne peut pas passer outre. Il y a dans chaque femme, même quand elles ne veulent pas d'enfants, il y a en filigrane, en projet, il y a le problème de la procréation. Ce que nous ne connaissons pas, les hommes, ça nous intéresse vraiment très peu. Un peu, bien sûr. Mais finalement, si je voulais être grossier, ce que je ne suis pas d'habitude, je dirais que les hommes, une fois qu'ils ont tiré leur coup, ils ont fini leur travail. Tandis que pour les femmes, ça commence. Parce que si elles sont enceintes, alors vraiment, c'est toute une... c'est un autre monde, quoi. Ça commence... il y a tout le problème de la grossesse, de l'accouchement, de l'élévation du bébé. Enfin. Donc, à la fois, la condition féminine est une condition de dominance, c'est vrai, plus ou moins d'ailleurs, selon les sociétés, mais en même temps, chaque fois, il y a des spécificités. Et par conséquent, quand je parle avec un groupe comme le vôtre, ou comme je parlais au Québec, je disais aux Québécois, je disais, c'est vrai qu'il y a des... il m'avait dit, le portrait du colonisé, ça colle tout à fait, nous sommes écrasés par les Anglais, les anglophones, ce qui est d'ailleurs pas faux. Quand je suis arrivé à l'aéroport de Montréal, ça a changé maintenant. Je parlais en français, je connais mal l'anglais, et la bonne femme qui recevait ne voulait pas comprendre. Ou bien vous parlez anglais, ou bien vous n'existez pas. C'est donc ils avaient raison, d'une certaine manière. Mais d'autre part, je leur dis, mais votre affaire n'est pas un duo. C'est pas le duo, c'est le triangle. Le duo avec les anglophones, c'est vrai, mais c'est un triangle parce que vous êtes référé d'une part à la France, d'autre part aux États-Unis. Les Québécois français, c'est tout à fait évident. Ils sont référés à la fois... bien sûr, à la francophonie, ils en parlent tout le temps, mais en même temps, c'est vrai aussi qu'ils sont référés à New York et à la civilisation américaine. Les voitures sont américaines, les techniques sont américaines. Je sais d'autant plus que mon propre fils est professeur à l'Université de Montréal, et ce qu'il me raconte, il fait des textes en anglais. Il écrit le texte en anglais. Alors moi, en vieil écrivain français, je dis, mais enfin, pourquoi tu écris en anglais alors que la langue française est tellement belle, tout ça? Il me répond très simplement, si j'écris en français, je suis lu par les francophones, c'est-à-dire, c'est pas tellement de gens. Si j'écris en anglais, je suis lu jusqu'à l'Inde, jusqu'à la Chine, jusqu'à... je suis lu dans le monde. Il y a là un problème considérable, vous savez. J'ai pas l'habitude de flatter mes auditeurs, mais le problème des langues est un problème considérable. Je vous dis, passant, nous faisons l'Europe actuellement, et je suis très pour, quelles que soient les difficultés. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de problèmes que que les Européens ne veulent pas envisager ou ne peuvent pas envisager, dont le problème de la langue. On ne peut pas faire une Europe s'il n'y a pas une langue unique. Bon, il y a des solutions possibles. Des solutions possibles que je... ce serait éventuellement d'avoir la langue maternelle qui entrerait dans les écoles, évidemment, mais aussi obligatoirement une langue universelle qui soit un outil... Enfin, ça, on peut en discuter aussi. Hein. Vous savez, tout ce que je vous propose n'est pas dogmatique. Ce sont des constats, des concepts que j'ai cru pouvoir tirer de ces expériences-là. Donc, chaque fois, vous avez à la fois des ressemblances et en même temps une spécificité. Pourquoi la Corse ne s'est pas développée? Eux, ils disent que c'est la méchanceté des métropolitains. C'est possible, mais il n'y a pas que ça. Il y a sûrement d'autres problèmes qui font que la Corse ne s'est pas développée comme elle aurait dû l'être. Cela nous amène donc directement à le problème de la dominance. Vous savez, si aujourd'hui j'avais à réécrire un certain nombre de livres, je crois que mon travail se divise en deux grandes parties. La partie consacrée aux dominances et la partie consacrée aux dépendances. Je reviens tout de suite là-dessus. La dominance, c'est quelque chose de dramatique dans l'existence des humains. Je me suis persuadé de plus en plus, je ne suis pas le seul, que l'homme, l'espèce humaine, est une espèce prédatrice. Vous savez, les lapins ne sont pas prédateurs. Les chevaux non plus. Il y a des espèces, c'est comme ça, la nature est faite comme ça. Elle est faite avec des espèces qui sont prédatrices, c'est-à-dire, en général, elles sont carnivores. En ce sens, la revendication du végétarien est intéressante. Il y a un romantisme. Ah, intéressante, et c'est drôlement difficile. Hein. J'ai invité une amie qui m'avait dit tout de suite à dîner, je suis végétarienne, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un restaurant dans le quartier. Mais enfin, sans plaisanterie, il y a quelque chose de vrai. C'est vrai que l'espèce humaine est une espèce prédatrice, c'est-à-dire qui vit aux dépens de ses proies. Ben, c'est le cas pratiquement de la très très grande majorité des espèces vivantes. Et nous n'avons pas échappé à ça. Bon, c'est terrible à dire, c'est difficile à surmonter, mais c'est un constat aussi. Bien entendu, comme l'espèce humaine est une espèce qui imagine, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, par méthodologie, elle va également construire un système symbolique, et les dominances peuvent être plus ou moins symboliques. Elles sont à la fois concrètes et elles sont aussi symboliques. Et le système symbolique, quelquefois, peut être aussi grave, aussi lourd à vivre que le système concret réel. Je vais juste prendre un exemple, parce qu'on ne peut pas... le temps avance, vous voyez. Le problème du racisme. J'ai fait un livre sur le racisme, si vous le savez peut-être. Et en gros, mon hypothèse de travail, c'est que le racisme, c'est pas seulement un problème de biologie, c'est aussi un problème de biologie, bien sûr. Mais c'est pas seulement un problème de biologie, c'est ma définition, je vous la donnerai si vous voulez tout à l'heure, c'est l'utilisation valorisante ou dévalorisante d'une différence. C'est une... la différence existe. Ceux qui disent que la différence n'existe pas sont des sots, à mon avis. La différence existe entre hommes et femmes, entre les hommes, entre leur puissance, entre leur vitalité, entre leur avidité. Mais c'est une manière de s'affirmer aussi soi-même. Il est certain que si je dis que les femmes sont maladroites, qu'elles sont tapent pas, elles savent pas planter un clou convenablement sans se taper sur les doigts, etc. Ce que nous avons longtemps dit, ça veut dire en même temps, mais moi je sais planter un clou. Un homme sait planter un clou. Je vois une femme attraper le marteau comme ça, vous savez, la pointe est là. Faites l'expérience, 9 fois sur 10, elles attrapent ici, en haut. Alors évidemment, elles ne peuvent pas taper. Alors c'est tellement simple de descendre un peu et d'attraper le marteau ici. À ce moment-là, vous avez du jeu. Bon, et bien les femmes ne savent pas le faire. Les femmes. Certains hommes non plus. Mais c'est vrai que ça nous permet de dire, mais moi je sais planter un clou. Les hommes, nous savons. Les femmes ne font pas courir. Ben évidemment, elle porte ces fameuses coutures qui font mon admiration et mon étonnement chaque fois. Comment, mesdames, vous pouvez marcher sur ce truc-là? C'est comme ça. Il y en a une qui m'a dit, je revendique les hauts talons. Bon, évidemment, quand on a des talons de 10 cm, on ne peut pas courir. C'est tout à fait clair. Donc, il y a dans le duo racisme, c'est essentiellement une dévalorisation d'un individu ou d'un groupe en fonction d'une différence. Bon, tout le monde savait que les Arabes travaillaient mal, le travail arabe, disait-nous, donc quand on dit c'est un travail arabe, ça veut dire que c'est un mauvais travail. Bon, les Corses sont des paresseux. Bon. Écoutez, il y a deux camarades qui se retrouvent, ne se sont pas vus depuis très longtemps, et par hasard, ils se trouvent à Ajaccio dans un café. Alors, ah, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, qu'est-ce que tu deviens, etc. Et il dit, non, ça va bien, j'ai une femme charmante, j'ai 2 enfants, j'ai même du travail. Ah, tu as du travail, dit l'autre, c'est formidable ça. On sait que les Corses sont paresseux, alors s'il a du travail, c'est vraiment, c'est pas mal. Et il dit, ah, mais c'est bien, mais attends, tu sais, c'est du travail, mais le contremaître est une salope, c'est une vache. Si on arrive avec, d'abord j'habite à 1 heure de mon travail, donc pour y aller, il me faut 1 heure, tu te rends compte? Il faut, ah, ben, c'est vrai, 1 heure aller, 1 heure retour, c'est pas rien. Et il dit, puis là, il marche un peu, puis il dit, et puis le contremaître est comme ça, si on, avec ça, il y a 2 heures de transport, et si on a 5 minutes de retard, on se fait engueuler, c'est pas vivable, c'est vraiment une sale brute et tout ça. Ah, en effet, c'est embêtant d'être engueulé tout le temps pour le travail, c'est embêtant pour le travail. Et puis il marche un peu, tout ça, puis il dit, et puis c'est pas tout. Combien de temps, d'après toi, il faut pour déjeuner? Oh, Dieu, il faut une bonne heure, quoi, à peu près, pour manger tranquillement, boire un verre de vin, tout ça. Il nous donne 25 minutes pour manger, tu te rends compte? Moi, je ne peux pas manger en 25 minutes, c'est vraiment, ça me gâche tout, ça. Ah, c'est vraiment, je vois, c'est du travail, mais c'est quand même très embêtant, le boulot, hein, c'est ça. Ah, il dit, et il y a longtemps que tu fais ce travail? Il dit, non, je commence demain. C'est-à-dire que pour le compteur français, le Corse est irrémédiablement atteint dans sa dimension de travail. Et je ne vais pas prolonger, on n'a pas le temps. L'histoire sur les Belges, j'en ai toute une flopée. J'ai l'histoire sur les minorités, j'en ai également toute une flopée. Donc, le racisme, c'est ça. Et donc, j'ai proposé un deuxième concept que je n'ai pas réussi à faire entrer dans le dictionnaire, le concept d'hétérophobie. Je crois qu'il est commode, l'hétérophobie étant la peur agressive d'autrui. C'est parce qu'on a peur de l'autre que l'on devient agressif. Et pour devenir agressif, on va fabriquer, on va fabuler à son sujet de l'imaginaire. En particulier, un certain nombre de mythes. Vous voyez, par exemple, pardon, si on prend le concept de duo tout à l'heure et le concept de dominance, et qu'on les met en relation, vous voyez qu'il y a colonisateur-colonisé, qui est un duo, avec la dominance par le colonisateur, les hommes et les femmes avec une dominance des hommes, les noirs et les blancs avec une dominance des noirs sur les blancs. Oui, on a un certain nombre de duos qui sont des duos de dominance, vous voyez, qui jouent. Il faut évidemment chaque fois, chaque groupe doit examiner la manière dont il est dominé. Car ce qui complique pas mal notre affaire, c'est que on peut être à la fois dominant dans certains cas et dominé dans d'autres. Bon, vous connaissez là également la blague, mon père domine ma mère domine la bonne et la bonne domine les poissons rouges. Il y a une succession donc de domination en cascade. Peut-être qu'une partie des mythes s'explique en partie par ça. Peut-être que la morale en particulier, nous feignons de dire que la morale est une chose très très importante. Elle est importante, mais la morale est une manière de corriger. Probablement, c'est un antidote. Je crois que la morale est un antidote de la dominance, en fait. Enfin, un antidote partiel de la dominance. On essaye de vivre ensemble, c'est finalement trouver un moyen d'accord. Et donc, et la morale, c'est l'ensemble des moyens trouver ce modus vivendi. Vous voyez, par exemple, si je suis sur cet exemple, il y a des gens qui vous disent la morale, c'est donnée par Dieu, par exemple, ou par les évangiles, ou par la Bible, ou par le Coran, ou par ça. Bah, bien sûr que Mohammed a proposé des choses dans le Coran, il n'y a aucun doute. Bien sûr que dans les évangiles, vous trouvez des choses importantes concernant la morale. Mais ce n'est pas parce que Mohammed a écrit le Coran qu'il y a la morale dans les pays arabo-musulmans. Ce n'est pas parce que les évangiles sont ce qu'ils sont. C'est parce que pour que les Arabes vivent ensemble ou que les chrétiens vivent ensemble, ils avaient besoin d'un certain nombre de règles de fonctionnement. Et c'est ça la morale. C'est l'ensemble des règles de fonctionnement qui nous permet de vivre ensemble. Ben, je ne sais pas, si vous êtes professeur, vous savez bien qu'on ne peut pas venir à un cours avec 20 minutes de retard. Les professeurs sont déjà exacts. Les médecins, non. Les médecins, non. Bon, mon médecin me fait attendre 2 heures. Bon, pourquoi d'ailleurs, c'est notre problème. Bon, on ne va pas aborder tous les problèmes à la fois. Mais les professeurs, imaginez que vous arrivez à l'amphithéâtre avec 20 minutes de retard, eh bien, je crois que les étudiants vont vous manger. Et en tout cas, si vous venez chaque fois avec un quart d'heure ou 20 minutes de retard, ils vont prendre eux aussi l'habitude de venir avec un quart d'heure de retard. Vous voyez un peu quelle foire serait un enseignement, un amphi, dans lequel chacun arrive à l'heure qu'il veut. Ça n'est pas possible. Il y a une règle de fonctionnement. Il est ainsi, je crois. Ah, écoutez, c'est plus jeune que monsieur. Moi, hein, l'âge. Non, mais c'est vrai qu'elle est dure en plus. C'est breton, hein. On résiste. Voilà, je sais, c'est gentil. Merci bien. J'en profite pour vous dire que, vous voyez, chacun de mes thèmes de recherche ou de réflexion, vous pouvez le prolonger tout seul. C'est-à-dire, une fois que Louis, pour moi, la morale, c'est l'ensemble des règles de fonctionnement d'un groupe, à partir de là, vous pouvez réfléchir sur la morale beaucoup plus que je ne l'ai fait. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçu que plus tardivement d'ailleurs, je l'ai raconté dans un livre, je ne me rappelle plus lequel. C'était, je crois que j'étais malade, j'étais dans l'hôpital, et j'ai découvert à la fois que le système de dominance joue tout le temps, bien entendu, mais que ce n'est pas suffisant. En fait, par rapport au médecin, par exemple, là, j'ai dans un livre qui s'appelle... J'ai oublié le nom. Ça s'appelle... Enfin, peu importe. J'ai fait deux textes sur les médecins, et il n'y a pas de doute, il y a également chez les médecins une tentative de dominance, et c'est pour ça qu'ils deviennent médecins, d'ailleurs, en partie. Mais c'est vrai aussi que nous avons, vis-à-vis du système médical, du système thérapeutique, un besoin de protection. On a besoin de ces médecins. Donc, on a des systèmes de dépendance. Là, vraiment, c'est une deuxième partie de mon travail qui est, à mon avis, aussi féconde que la première. On a beaucoup vu côté le racisme, les conflits, la colonisation, la décolonisation, etc. Je n'ai peut-être pas suffisamment insisté sur la dépendance. Je crois aujourd'hui que nous sommes autant dominants-dominés que dépendants et pourvoyeurs. Là aussi, je crois que nous sommes tous dépendants. Si on prend ce tableau encore, vous voyez, je crois que là aussi, il y a un triangle utile qui est le triangle de la dépendance, le dépendant, le pourvoyeur. Et l'objet pourvoyant, je m'explique. Nous sommes engagés dans une série de dépendances, c'est-à-dire que nous avons besoin de quelqu'un ou de quelque chose, et c'est le pourvoyeur qui nous la donne, ce quelqu'un ou ce quelque chose. Mais aussi c'est compliqué parce que quelquefois nous sommes à la fois dépendants et pourvoyeurs. Le couple humain, par exemple, c'est à la fois, on a besoin des femmes, elles ont besoin de nous, et c'est cette espèce d'aller-venue de relationnel qui fait le couple, qui fait d'ailleurs la solidité des couples. Et alors, il y a, ça peut être un pourvoyeur, c'est-à-dire un être qui vous apporte ça, un médecin ou un enseignant, un professeur, ou je ne sais pas, il y a des pourvoyeurs de nos dépendances, qui viennent au secours des besoins que nous avons des autres, mais il y a une différence. Les différences se viennent de l'objet de pourvoyance. Alors, ça, là aussi, il y a de quoi faire une heure. Vous savez, quand j'étais professeur à l'époque, je disais quelquefois à mes étudiants, vous savez, on va quitter l'amphithéâtre et se promener dans le parc et on va parler. On va faire le pas un cours, mais une conversation. Et comme ça, on n'est pas embêté par l'histoire des 50 minutes de cours. On a 2 heures, 3 heures devant nous. On passe l'après-midi à parler. Et au fond, je ne voudrais quand même pas vous empêcher de déjeuner tout à l'heure. Il faut quand même qu'on arrête un peu et qu'on discute. Mais vous voyez que chacun de ces thèmes pourrait faire l'objet d'une conférence entière. C'est vrai que tout le problème de ce qu'on appelle l'addiction. C'est à la mode aujourd'hui, on a emprunté aux anglo-saxons le terme d'addiction, que je récuse, parce que pour moi, l'addiction est trop restreinte, c'est un concept insuffisant et négatif. Être dans une addiction, ça veut dire qu'au fond, on a besoin, comme pour la dépendance, mais que c'est mal. Excusez-moi, c'est mal, c'est pas bien d'être dans l'addiction. Mais tandis que pour moi, il est certain que la dépendance est également positif. Allô ? Oui ? Oui ? Oui. Que quoi ? J'ai pas compris. Que ? À que vous êtes bien, ça. Demain, nous prenons le train à 10h27. Et donc, le temps d'arriver, je ne sais pas à quelle heure. Ah non, avant, c'est... il n'y a qu'une heure, c'est tout. Ah non, non. Mais non, mais je suis à Rennes déjà. Oui, oui, nous partons de Rennes pour nous prenons le train à 10h27 et nous arrivons 11h quelque chose. Hein. Ah. Oui. Ah oui, s'il vous plaît, qu'il y ait quelqu'un à l'arrivée de Rennes, hein, parce que j'ai besoin d'une chaise roulante avec le CNC. Hein. Ça, faut pas oublier parce que je peux pas faire ça à pied. C'est Mélanie a dû s'en charger certainement. Oui, d'accord. Non, nous venons de Rennes et il y en a pour une heure, quoi. D'accord. Et de toute façon, on se voit à l'hôtel de Océania. Il a pris. Bon, ben merci d'avoir téléphoné. Et à demain. Voilà, la classe est dissipée, oui. Pardonnez-moi. Est-ce que vous voulez un petit café? Oui, je veux bien. Oui. Pardonnez-moi cette interruption. C'est les rançons du progrès. Le monde est... C'est l'insertion dans la société globale. Donc, nous sommes tous dépendants. C'est un leurre de penser qu'on puisse ne pas être indépendant. Mais ce sont les objets, merci beaucoup, ce sont les objets de pourvoyance qui font les différences dans les dépendances. Il y a des objets qui sont nocifs. Il est certain que si la drogue est un objet de pourvoyance aussi, mais qui est nocif. Mais être amoureux, jusqu'à nouvel ordre, c'est plutôt positif. Sauf si on tombe sur une garce, évidemment. C'est le même problème. Après tout, aimer la musique ou la peinture, c'est positif. C'est un acte de pourvoyance positive. Tandis que se ruiner pour jouer aux courses de chevaux, ça peut être dangereux, ça peut être... Il y a toujours un objet, c'est l'objet de pourvoyance qui change, pas le mécanisme de la dépendance. Et donc, dans chaque cas, même dans le cas qui vous occupe, il faut probablement faire l'inventaire des dépendances et des objets de pourvoyance. Et ça, c'est votre boulot, c'est pas mon travail à moi. Oui, chacun doit faire son propre inventaire. Pas qu'on puisse vous faire l'inventaire de l'extérieur. Il faut que chacun fasse son propre inventaire. C'est pour ça qu'on ne peut pas venir en Bretagne ou en Corse ou au Québec et dire voilà comment vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela. Ça n'a aucun sens. Parce qu'ils sont, eux, mieux placés que vous pour proposer des concepts, c'est ce que je fais, mais ils sont mieux placés que vous pour savoir qu'il y a des choses faisables et des choses qui ne sont pas faisables ou qui même sont nocives. Je vais arrêter ça pour conclure que depuis quelques années, je cherche difficilement une sagesse pratique. Ce serait pas bien que je n'en parle pas du tout. Je cherche une sagesse pratique, c'est en fonction de tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui et qui est peu de choses à côté de la réalité. Bon, il faut évidemment trouver une philosophie. Voilà comment je suis retourné à la philosophie. Alors que je vous avais dit tout à l'heure, ma déception philosophique. Je résume très vite. Je crois que je suis moi en tout cas. Je ne suggère rien du tout. Je suis à la fois humaniste, rationaliste et laïque. Pourquoi? Ce n'est pas un choix conceptuel non plus. c'est parce que je pense que ces trois concepts sont une manière de vivre ensemble. Il est certain que l'humanisme, ça veut dire que vous accordez à l'homme toute son importance. Alors, au choix entre une religion et l'homme, on choisit l'homme. Que rationaliste, parce que je pense que c'est la seule méthode qui nous permet effectivement de mettre de l'ordre dans l'imaginaire, dans la fiction, dans la prévue, tout ça. Laïque, parce que si vous n'êtes pas laïque, eh bien vous avez une société communautariste, dans le mauvais sens du mot. Je ne suis pas contre les communautés en tant que telles. Je crois qu'il y a là un problème à reprendre également. Mais c'est vrai que il faut avoir une institution. La laïcité, pour moi, est une institution. Ce n'est pas une philosophie, c'est une institution. C'est une manière de vivre ensemble. En définitive, il y a un dernier concept sur lequel je travaille actuellement, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas très avancé. Je crois qu'il faut qu'il y ait un universalisme concret et une défense des singularités. Mais j'y ajoute un concept supplémentaire qui serait celui de singularité critique. Il faut que, à la fois, on défende ces singularités, mais aussi on les examine. On les passe en... Donc, je propose le concept de singularité critique. Voilà, chers amis, je vous ai dit à grands traits, parce que je demandais 10 ou 15 heures d'exposer. Et si vous voulez, on peut s'arrêter 5 minutes et vous me posez d'autres questions. Ah, je ne vous ai pas parlé de littérature non plus. Bon. J'ai oublié. Merci beaucoup. Donc, on va faire, je dis un petit peu pour les gens qui ne viennent pas régulièrement au séminaire, on va faire une petite pause, et après, donc, on va discuter avec Albert Memmi, on va lui poser des questions, échanger avec lui. Avant de s'égayer, il y a une question rituelle très importante et essentielle. Qui reste déjeuner ce midi? Hein, on va aller déjeuner en face. Donc, si vous voulez bien lever la main, je vais compter et réserver. Donc, évidemment, vous restez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Très bien. C'est sûr? Bon, je réserve pour 15 au cas où quelqu'un... Hein. Voilà. Très bien. Le donc, sucre fait partie des... Oh, pardon. Non, il n'y a pas de sucre. Des prestations. Oui. Donc, petite pause et puis on reprend. Dépendant du sucre. Voilà.